Les cygnes sauvages par Hans Christian Andersen. Chapitre 1er, Trois crapauds. Bien loin d'ici, là où s'envolent les hirondelles lorsque l'hiver arrive chez nous, demeurait un roi qui avait 11 fils et une fille appelée Elisa. Les 11 frères, tous princes, allaient à l'école, la poitrine ornée d'une large décoration et l'épée au côté. Ils écrivaient avec des crayons de diamant sur des tablettes d'or et ils savaient réciter par cœur d'une manière parfaite. Enfin, tout chez eux annonça qu'ils étaient des princes. Leur sœur, Elisa, assise sur un petit banc de cristal, s'amusa à regarder un livre d'images dont le prix égalait celui de la moitié du royaume. Oui, ses enfants étaient bien heureux, mais ce bonheur ne devait pas durer toujours. Leur père, qui était roi de tout le pays, épousa en secondes noces une méchante reine qui n'avait guère à cœur le bonheur des enfants. Dès le premier jour, ils s'en aperçurent. Il y avait une fête au château. Les enfants jouaient et beaucoup d'étrangers affluaient. Mais au lieu de donner aux enfants, comme à l'ordinaire, des gâteaux et des pommes rôties, elle leur fit servir du sable dans une tasse de thé, en disant qu'ils pouvaient faire comme si c'était quelque chose de bon. La semaine suivante, elle envoya la petite Elisa à la campagne, chez des paysans. Et, quelque temps après, elle dit tant de vilaines choses au roi sur le compte des pauvres princes qu'il ne s'inquiétait plus d'eux. « Envolez-vous par le monde et tirez-vous d'affaire vous-même, » dit la méchante reine. « Envolez-vous, comme de grands oiseaux sans voix. » Mais elle ne put leur faire autant de mal qu'elle aurait voulu, car ils se changèrent en 11 magnifiques cygnes sauvages. Ils poussèrent un cri bizarre et s'élevèrent au-dessus du parc et de la forêt. Le lendemain matin, ils passèrent devant la maison où leur sœur Elisa était couchée et dormait dans la chambre du paysan. Ils planèrent sur le toit, tendirent leurs longs coups et battirent des ailes. Mais personne ne les entendit ni ne les aperçut. Puis ils regagnèrent les nuages, s'envolèrent par le monde et ne s'arrêtèrent que dans une grande forêt sombre qui s'étendait jusqu'au bord de la mer. La pauvre petite Elisa jouait dans la chambre du paysan avec une feuille verte car elle n'avait point d'autre joujou. Elle y fit un trou et regarda au travers du côté du soleil. Elle crut apercevoir au loin les yeux brillants de ses frères. Et chaque fois qu'elle sentait sur ses joues les rayons de l'astre éblouissant, c'était pour elle comme si ses frères la couvraient de baisers. Ainsi se passa un jour après l'autre. Si le vent agitait les grandes haies de roses plantées devant la maison, il leur soufflait. « Qu'y a-t-il au monde de plus joli que vous ?» Mais les roses secouaient la tête et répondaient « La petite Elisa ». Le dimanche, lorsque la vieille était assise devant sa porte, lisant son livre de prière, le vent tournait les feuilles et disait au livre « Qui peut être plus pieux que vous ?» Le livre de prière répondait « La petite Elisa ». Et lui, comme les roses, disait la vérité. Ayant atteint l'âge de 15 ans, Elisa retourna au château. La reine, voyant sa beauté, se mit fort en colère et conçut pour elle une haine terrible. Elle aurait bien voulu la changer, comme ses frères, en cygne sauvage. Mais elle ne l'osait pas encore, car le roi avait grand désir de voir sa fille. Le lendemain matin, la reine se rendit à la salle de bain, qui était construite de marbre ornée de coussins moelleux et de tapis magnifiques. Là, elle prit 3 crapauds, déposa un baiser sur chacun d'eux et dit à l'un « Place-toi sur la tête d'Elisa lorsqu'elle viendra au bain, afin qu'elle devienne aussi stupide que toi. Place-toi sur son front, dit-elle à l'autre, afin qu'elle devienne aussi laide que toi et que son père ne puisse la reconnaître. Pose-toi sur son cœur, souffla-t-elle au troisième, et rends-la tellement méchante qu'elle en ait beaucoup de tourments. » Ensuite, elle jeta les crapauds dans l'eau claire, qui aussitôt devint verdâtre, appela Elisa, la déshabilla et y plongea. À l'instant même, un des crapauds se plaça sur ses cheveux, l'autre sur son front et le troisième sur son cœur. Mais Elisa ne parut pas s'en apercevoir. Lorsqu'elle se leva, 3 fleurs rouges de pavot apparurent à la surface de l'eau. Si les animaux n'avaient pas été venimeux et embrassés par la sorcière, c'est en roses gracieuses qu'ils eussent été changés. Ils étaient devenus fleurs en touchant la tête et le cœur de la jeune fille, car elle était trop pieuse et trop innocente pour que la magie puisse exercer sur elle aucune influence. La méchante reine, voyant ses maléfices impuissants, se mit à frotter la jeune fille avec du jus de noix, ce qui lui rendit la peau toute noire. Puis, elle enduisit son charmant visage d'un onguent fétide et embrouilla sa belle chevelure, de sorte qu'il était impossible de la reconnaître. Aussi son père, en la voyant, s'effraya et dit que ce n'était pas là sa fille. Il n'y avait personne qui la reconnut, excepté le chien de garde et les hirondelles. Mais que pouvaient dire en sa faveur ces pauvres animaux? Alors Elisa pleura et pensa à ses 11 frères qui tous étaient absents. Profondément affligée, elle s'échappa du château, traversa les champs et les marais et s'enfonça dans une vaste forêt. Elle ne savait pas où elle voulait aller. Son unique désir était de retrouver ses frères qui, sans doute, comme elle, avaient été chassés dans ce monde. La nuit arriva bientôt. La jeune fille avait perdu son chemin. Épuisée de fatigue, elle se coucha sur le gazon moelleux, fit sa prière du soir et appuya sa tête sur un tronc d'arbre. Partout régnait un profond silence. L'air était doux et plus de 100 vers luisants brillaient dans l'herbe et sur la mousse comme de petits feux verdâtres. Elle toucha de sa main une branche et ses insectes brillants tombèrent sur elle comme des étoiles filantes. Toute la nuit, Elisa rêva de ses frères qu'elle voyait jouer comme des enfants, écrire avec leurs crayons de diamant sur des tablettes d'or et feuilleter le magnifique livre d'images qui valait la moitié du royaume. Mais au lieu d'écrire sur les tablettes comme autrefois des zéros et des lignes, ils y traçaient maintenant les actions les plus courageuses, par lesquelles ils s'étaient distingués, et tout ce qu'ils avaient vu et éprouvé. Dans le livre d'images, tout était vivant. Les oiseaux chantaient, et les personnages quittaient leur place pour venir parler à Elisa et à ses frères. Mais aussitôt qu'elle tournait la feuille, ils rentraient promptement dans leur cadre pour qu'il n'y eût point de confusion dans les images.